Vous entendrez beaucoup de choses intelligentes par ici. Généralement vraies. N'en soyez pas perturbés. On dit que l'un m'emporte conseil m'insomniaque. J'aimerais qu'elle m'apporte le sommeil encore 6 heures du mat. Je me tourne et me retourne dans mon lit, sans personne à mes côtés. En vrai, je m'ennuie, je parle aux étoiles, elles sont les seules à m'écouter. Une seule solution, je me lève, prends une feuille et gratte. Et j'écris sur cette nuit qui, avec moi, est ingrate. Trop de pensées dans ma tête, c'est clair, elles ne sont pas les plus joyeuses. Je rêve de pouvoir passer une seule nuit soyeuse. J'aimerais croiser le marchand de ça, mais impossible de le trouver. Je ne peux compter les moutons, car du loup, ils ont la trouille. Alors je chante en regardant la lune qui est pleine. Et là, je comprends qu'en fait, ça n'est pas la peine de me forcer. Non, forcément, je resterai debout jusqu'au bout. C'est ce qui arrive quand on signe un pacte avec les loups. Je termine ce cesse, coûte que coûte et arrive à bout de souffle. Une dernière clope pour la route.